Le souvenir de Madame d'Ambroise lui revint. Il se reprocha comme une monstruosité de trahir ce pauvre être qui aimait et souffrait dans toute la franchise de sa nature. Pendant plusieurs jours, il lui tint compagnie jusqu'au soir. Elle se trouvait heureuse dans cette maison discrète. Les volets de la façade restaient même constamment fermés. Sa chambre, tendue en perce clair, donnait sur un grand jardin. Madame Alessandri, dont le seul défaut était de citer comme intime des médecins illustres, l'entourait d'attention. Ses compagnes, presque toutes des demoiselles de la province, s'ennuyaient beaucoup, n'ayant personne qui vint les voir. Rosanette s'aperçut qu'on l'enviait et le dit à Frédéric avec fierté. Il fallait parler bas, cependant. Les cloisons étaient minces et tout le monde se tenait aux écoutes, malgré le bruit continuel des pianos. Il allait enfin partir pour Nogent quand il reçut une lettre de Delaurier. Deux candidats nouveaux se présentaient, l'un conservateur, l'autre rouge. Un troisième, quel qu'il fût, n'avait pas de chance. C'était la faute de Frédéric. Il avait laissé passer le bon moment. Il aurait dû venir plus tôt, se remuer. On ne t'a même pas vu au comice agricole. L'avocat le blâmait de n'avoir aucune attache dans les journaux. Ah, si tu avais suivi autrefois mes conseils, si nous avions une feuille publique à nous. Il insistait là-dessus. Du reste, beaucoup de personnes qui auraient voté en sa faveur, par considération pour M. d'Ambroise, l'abandonneraient maintenant. Delaurier était de cela. N'ayant plus rien à attendre du capitaliste, il lâchait son protégé. Frédéric porta sa lettre à Mme d'Ambroise. « Tu n'as donc pas été à Nogent, dit-elle. Pourquoi ? C'est que j'ai vu Delaurier, il y a 3 jours. » Sachant la mort de son mari, l'avocat était venu rapporter des notes sur les houilles et lui offrir ses services comme homme d'affaires. Cela parut étrange à Frédéric. Et que faisait son ami, là-bas ? Madame d'Ambroise voulut savoir l'emploi de son temps depuis leur séparation. « J'étais malade, répondit-il. Tu aurais dû me prévenir, au moins. Oh, cela n'en valait pas la peine. D'ailleurs, il avait eu une foule de dérangements, des rendez-vous, des visites.